Les petites histoires de Tell Me. Qui aime bien ne châtie pas. Ce matin, Ranran fait bien attention avec ses céréales. Il ne faudrait pas qu'Armandillo, son papa, découvre une goutte ou une miette sur la table. Papa déteste le désordre. Ranran est fier du métier de son père. Il est dégoûtier. Armand, lui, trouve ça idiot. Il dit qu'il n'y a rien de bien glorieux à rouler dans les eaux sales de la ville. Mais pour Ranran, ce n'est pas grave. Son papa connaît tous les souterrains et les secrets qu'il renferme. Et puis, il trouve qu'un égoutier, c'est bien utile. Ça travaille dans l'ombre pour le bien des gens. Un peu comme un super-héros. Super goutier à la rescousse! Qu'est-ce qui te fait rire, fils? Rien, papa. Son père vient d'entrer dans la cuisine. Il n'a pas l'air en pétard, mais mieux vaut ne pas prendre de risques. Des fois, papa met un peu de temps avant d'être en colère. Tu vas être en retard à l'école. C'est important si tu veux pas finir égoutier comme moi. Ranran saute de sa chaise et va poser son bol dans l'évier. Il le lave, le met à sécher rapidement. Papa a le regard perdu dans le vide. Il fronce très fort ses sourcils qui se touchent. Ils ont l'air d'une grosse chenille ébouriffée. Ranran connaît ce regard. Dans pas longtemps, son père va commencer à s'énerver pour rien. Alors il se dépêche de se préparer et file dehors. Le jeune tatou se recroqueville et fait le dos rond. Comme tous les matins, papa va le propulser dans la rue comme un ballon de football d'un habile coup de pied. Mais lorsque papa est agacé, il met trop de force. Ranran serre les dents. Il roule boule et fend la foule. Tout le monde fait place lorsqu'il déboule en trombe comme une bombe. Arrivé à l'école, il se déplie et va se mettre à l'ombre du gros platane qui soulève la cour avec ses racines. Il observe de loin des élèves qui jouent à la bagarre. Il trouve ça idiot. D'autres se racontent des blagues et se tapent dans le dos. Il ne comprend pas l'intérêt. Ranran attend patiemment la cloche, seul dans son coin. Lorsqu'elle sonne, il fonce se mettre à sa place. Monsieur Sapien, son professeur, laisse alors entrer les derniers élèves, ferme la porte et d'un agile saut de crapaud atterrit derrière son bureau. Ranran l'adore. Les cours du vieux barbu ne sont jamais barbants mais toujours poilants. « Bonjour, charmants enfants, bienvenue, petits savants et gare au garnement. Aujourd'hui, au programme, sciences naturelles puis musique. » Les enfants réagissent mollement à la nouvelle, mais sortent leurs affaires pour travailler. « À la belle saison, lorsque le soleil tape sur les herbes hautes, que les pivers cognent sur les troncs et que les lapins battent la campagne, c'est souvent le signe d'un renouveau. » Sans qu'ils comprennent pourquoi, certains mots pincent le cœur de Ranran. La nature rebat les cartes et certains animaux se bagarrent. Parfois, un tête-à-tête entre deux cerfs finit mal et, coup de théâtre, l'un des deux perd sa place de chef. Ranran sent une boule dans son ventre. Ses oreilles bourdonnent, il n'arrive plus à écouter Monsieur Sapien. On écrit ensuite la leçon dans le silence et Ranran se détend. Rapidement, les élèves ne tiennent plus en place. Monsieur Sapien est obligé de taper du pied. Le jeune tatou tremble un peu. On passe ensuite à la leçon de musique. Les enfants sortent leur instrument, impatients d'en jouer. Le maître dégaine alors la baguette de chef d'orchestre. « Qui veut battre la mesure ? Ranran ?» Le petit tatou fond en larmes. Il pleure tellement qu'on dirait qu'il va fondre comme un glaçon d'eau salée. Le vieux crapaud bienveillant ne semble pas étonné. Il tend la baguette à une rainette qui contemple le ciel en rêvant et confie la classe à Charlotte l'hippopotame, car c'est la première de la classe. Dans une cacophonie pas du tout musicale, Ranran et Monsieur Sapien sortent parler dans le couloir. « Ranran, mon grand, tu as l'air tout chiffonné. Tu es stressé ?»« Non. »« Bigre, tu es contrarié. »« Triste. »« Triste ?»« Triste. »« Triste ? Comment ai-je pu passer à côté ? Tu aurais dû me le dire. »« Vraiment ?» Le visage de Monsieur Sapien se fend alors d'un énorme sourire qui part d'une oreille à l'autre et même plus haut encore, car les crapauds n'ont pas d'oreilles. Un sourire contagieux qui donne envie au coin de la bouche de Ranran d'aller chercher ses oreilles à lui. « Oui, il ne faut pas avoir peur de dire ce que l'on ressent. N'attends pas que l'on devine, sinon tu risques de finir en colère. Tu sais ce que je fais dans ces cas-là ? » « Non. » « Je la libère, par la parole ou par le geste. Mais je fais très attention à les contrôler, pour ne pas blesser. Tu comprends ?» Lorsqu'ils reviennent en classe, Ranran n'est plus triste. Il semble pensif, un peu comme quand on essaie de diviser 378 par 27 sans calculette et qu'on n'a pas assez de doigts pour compter. Le reste de la journée file comme une hirondelle en retard pour sa migration. Lorsque la cloche sonne, le tatou n'est pas pressé de rentrer. Une mission insurmontable l'attend. Comme pour lui donner du courage, Monsieur Sapien pose sa main palmée sur son épaule. « Tu as le droit de dire ce que tu ressens !» Lorsqu'il arrive chez lui, papa est sur le point de partir travailler. Ranran prend une grande inspiration et se plante devant lui. « Ça va, fils ? Mon cœur est tout plié !» La phrase sort comme un animal libéré de sa cage. Le visage de son père se fronce fort. Qu'est-ce que tu racontes encore ? Cette fois-ci, Ranran n'a plus peur de tout lui avouer. J'ai un cœur de tatou, parce que je suis un tatou. Et les tatous, quand ils ont un peu la trouille, ils se plient en quatre pour former une boule et rien laisser rentrer. Mon cœur à moi, il fait tout pareil, et mon corps aussi. J'ai des nœuds au cerveau, des boules dans ma gorge et mon ventre. Ça me gâche la vie. Et ça m'arrive parce que tu te mets en boule, ça me fiche les chocottes. Mais enfin, qu'est-ce que tu... Je t'aime, papa! Tu es mon super-héros, même si ton cœur est encore plus plié que le mien pour laisser entrer l'idée. Et je sais que tu m'aimes aussi. Mais tes gestes et tes mots de colère, eh ben ça gâche tout. En voyant son fils triste, Armand fait les gros yeux. Il sort vivement les mains de ses poches pour le prendre dans ses bras. Mais le mouvement est trop brusque et Ranran se roule en boule. Le cœur d'Armand se déplie. Et comme il est froissé depuis très longtemps, ça lui fait mal. Alors il renifle pour ne pas pleurer et s'en va travailler sans un mot. Armand rentre très tôt du travail. Il attend que Ranran sorte de sa chambre. Tout pâteux et penaud, il montre les sacs du traiteur Panda sur la table. Ranran adore ça. Et puis, comme papa ne sait pas manger avec des baguettes, c'est rigolo de le voir en mettre un peu partout. Sauf que cette fois, le dîner est silencieux jusqu'à ce qu'Armand se lance. Tu as été très courageux de me dire ce que tu ressentais. Tu sais, je suis en colère car je déteste mon travail. C'est sale et les gens me regardent comme un moins que rien. Mais c'est génial d'être égoutier. Tu connais tous les secrets de la ville et tu as des tas d'histoires à raconter. Je veux faire comme toi. Sauf que les regards et les mots des gens, ça blesse fort. Au début, j'étais triste, puis amer, et ça s'est transformé en colère. Et là, c'est comme le sel dans tous les plats. Il y en a beaucoup trop et tout a mauvais goût. Mais la vie, c'est trop important pour être gâché par la colère, non ? Tu as raison. Un fiston qui rigole, c'est bien mieux qu'une table propre. Maintenant, mangeons et pas de gâchis. Dans cette maison, on ne gâchera plus jamais. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Frédéric Bagérès et racontée par Arnaud Guillou. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. À la semaine prochaine!